is JP Sounds. Tu ne fais que manger du carato. Trop de chakra comme dans Naruto. Je prends le flow de Anaki. T'as pensé qu'on n'était pas d'ici. Tu t'es trompé sur toute la ligne. Mon blaster comme de la maladie. Je t'adore, t'es trop précieux. Je t'aime, mi amor. We love Coca-Cola. Marijuana, vacances en été. Oh, chamanissa. J'ai parlé de mon potentiel. Je t'ai pensé comme dans Caligula. Maniguina, oh ma petite. Tu me fais passer à Orléans. Hey. Joli cul, joli sein, ça passe la mode. Tu roules en Audi, Ferrari, ça passe la mode. Ton gars est bouté, 1000 euros, ça passe la mode. Les malins, je sais tu viens de Paris. Mon image c'est le Bénin. Je vais vendre que des Cali. On est toujours collé et serré. Tu te choulais, ferré et gola. Tu bois toujours du Coca-Cola. Je te vois que t'es un Ebola. Je m'en fous de l'écomob. Tout cela finira à la mob. Bam du côté à mon roi, t'as oublié mon tigre, bravo mon gars, du coup la fin, c'est que je parle les endroits pour virus. Joli cul, joli sein, ça passe la mode. Tu roules en Audi, Ferrari, ça passe la mode. Ton gars est bouté, 1000 euros, ça passe la mode. Bien chaud quand on voit les pères, mon gars, bien chaud quand on voit. Moi, bataille, moi, je m'en reste là-bas. Ouais. Ça passe la marque.